Mais si vous lésinez, dites-le. Je payerai de confiance, répondit-il. Allez, ma mère m'a dit que ces gens-là méritaient les plus grands supplices. On ne roue plus, dit la vieille. Vous me répondez du succès. Laissez-moi faire, répondit la sainte Estève. Votre vengeance mijote. Elle regarda la pendule marquait 6 heures. Votre vengeance s'habille, les fourneaux du rocher de Cancale sont allumés, les chevaux des voitures piaffent, mes fers chauffent. Ah, je sais votre madame Marneffe par cœur, tout est paré, quoi. Il y a des boulettes dans la ratière, je vous dirai demain si la souris s'empoisonnera, je le crois. Adieu, mon fils. Adieu, madame. Savez-vous l'anglais? Oui. Avez-vous vu jouer Macbeth en anglais? Oui. Eh bien, mon fils, tu seras roi, c'est-à-dire tu hériteras. Dit cette affreuse sorcière devinée par Shakespeare et qui paraissait connaître Shakespeare. Elle laissa Hulot hébété sur le seuil de son cabinet. N'oubliez pas que le référé est pour demain, dit-elle gracieusement en plaideuse consommée. Elle voyait venir 2 personnes et voulait passer à leurs yeux pour une comtesse Pimbèche. Quel aplomb, se dit Hulot en saluant sa prétendue cliente.